Cours numéro 2. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salat wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhadna fi ad-dars al-awwal min hadhihi ar-risala al-'azima an-nafisa usul fi at-tafsir lil-imam al-'allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen. Ghafar Allah lah wa rahimahullah. On a lu la muqaddima, une muqaddima nafi'a. Et il a rakkaz sur quelque chose de muhim, ma hu? Alladhi yajtahid fil usul, inshallah yahsul al usul. Ahsant, alladhi yajtahid fil usul, ma'rifat al usul, inshallah yasil ila maratib talabat al ilm al aqwiya. Ma ma'na al usul? Cheikh Al-Uthaymeen, an, il a rakkaz dans cette muqaddima, na talib al ilm. Il fait des efforts fil usul, et c'est muhim. Si quelqu'un te demande, c'est quoi ces usul? Ma yubna alayhi hadha al-ilm. Ay sabi manzilat. Manzilat mada? Naam, bi manzilat al-asas. Ou al-qawa'id. Et le mourad bil usul huna, c'est usul al-fiqh. Ou usul tafsir, c'est usul mada? Cette nasiha qu'il a fait, vous. عموم ماذا؟ عموم العلم. نعم، طالب العلم يهتم بأصول كل فن. chaque فن، chaque matière، elle a des أصول. التفسير il a des أصول. c'est cette رسالة. وأوسع منها قليلا رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه مقدمة في أصول التفسير. وفي النحو الأجرومية أصل. في العقيدة الواسطية. والقاعدة المثلى سيدي أصول عظيمة وفي التوحيد القاعدة الأربع الأصول الستة نواقض الإسلام توسا سيدي أصول نافعة جدا صلاة تبغي غلي بورت بور لي زوتليف كتاب التوحيد كذلك في الحديث البيقونية أصل عظيم نافع صلاة تبغي غلي دي بورت بور لي بروشان ليف في أصول الفقه الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين أصل طيب جدا فالعناية بهذه المقدمة مقدمة نافعة مختصرة إلى السيتي في الحقيقة un point important في المنهجية celui qui veut avancer في العلم ça c'est un point important جدا. أمس dans notre درس avec شيخ فتح القدسي وفقه الله في مركز الفتح il a lu ce كلام on étudie ensemble tous les soirs حلية طالب العلم Le Cheikh Bakr Abu Zayd, rahmatullah alayh. Et il y a un chapitre fi hada. Et c'est ce qu'on a lu ams. Famada qal. Ou mada stafadna min kalam Cheikh Bakr, rahmatullah alayh. Al-fasl al-thani, kayfiyat al-talab ou al-talaqi. Aïe, deuxième chapitre. Le premier chapitre, c'est sur les comportements du talib. Walillahi alhamdi, on a cité plusieurs. Al-sakina, wal-hudu, wal-ikhlas, wal-rifq, etc. ثم deuxième chapitre et il est مهم جدا كيفية الطلب والتلقي comment tu طلب العلم et comment tu prends ce علم فهي une كيفية الصلاة لأن كيفية comment faire صلاة صلوا كما رأيتموني وصلي صلي comme le prophète صلى الله عليه وسلم c'est pas tout le monde يصلي comme il veut الحج لأن كيفية خذوا عني مناسككم قال عيسى صلى الله عليه وسلم الزكاة لأن كيفية صوم رمضان لأن كيفية il y a des choses qui te sont permises des choses qui te sont pas permises وهكذا طلب العلم كذلك لأن كيفية c'est pas tu fais comme tu veux tu prends tu délaisses tu احفظes cette chose tu délaisses cette chose il y a une كيفية et si tu veux stafet tu veux ne pas perdre ton temps prends le conseil de أهل العلم et suis cette كيفية العظيمة ماذا ذكر il a cité plusieurs points هو أولا ما تذكر hein نعم إتقان الأصول إساس مهم فلهذا قال من لم يتقن الأصول حرم الوصول سكنا في مقدمة أمس أصول التفسير لاحظ قوله الإتقان الإتقان سي با مجرد فعل quand on dit فلان il est متقن في هذا الشيء ça veut dire qu'il le maîtrise لأن هناك différence entre faire et maîtriser tu peux faire les أصول tu peux lire أصول التفسير وكم من الناس اللي لهم فعل لكن كيس كي رست لا مسألة هنا سي مسألة الإتقان تتقن هذا الشيء et pour avoir l'إتقان il faut plusieurs choses la régularité الحفظ le sérieux, la révision, lire des autres livres, continuer, tout ça, ça va te permettre. Et t'qan hadha l'asl. Amma mujarrad assister, manquer la moitié des doros, ne pas réviser, aucun hif, al-itqan il sera fi wad, et ce talib il sera fi wadin akhar. كذلك قال ومن رام العلم ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. Celui qui veut tout prendre l'ilm d'un coup, l'ilm il partira d'un coup. جملة. فça te montre que l'ilm لابد من ماذا؟ من تدرج. أولا تركيز الأصول. تركز على الأصول. الإتقان. Ça veut dire que c'est une dirasa précise باجتهاد et بتأني بسكينة. T'as pas compris, tu demandes. Chaque chose, tu révises, tu hfad. Kadhalik, il te montre, si t'as fini ce asl, un autre livre. Par rapport à ton niveau. Et tu reviens à Ahl al-Ilm, tu reviens à ton mudarris. J'ai fait ce livre, je l'ai compris. Qu'est-ce que tu me conseilles? Va te conseiller un deuxième livre. Hakad al-Ilm. Qala wa qila aydan izdiham al-Ilm fi sam' ma dhallatu al-fahm. Sahih. C'est trop. L'izdiham, ça se bouscule. Du usul, du tafsir. Hadith, fiqh, aqidah, tajwid, tout ça d'un coup, t'as un être humain. Ça donne celui qui n'a pas l'habitude de l'ilm, c'est ses premières assises. Il aura un taqsir, enfin, vaut mieux faire un peu, maîtriser, et tu passes à une autre étape, que beaucoup, et fait le haqiqa, tu perds ton temps. Ba'd talabat al-ilm, les débutants, au début, ils croient que plus il prend, plus il va avancer. Et fait le haqiqa, il ne sait pas que plus il prend, plus il est en train de prendre, perdre du temps. Il arrivera au bout d'un an, il faudra qu'il refasse tout. قال وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه. Chaque fun, il a des assas, des usul. Et il a une kayfiyya, une manhadiyya. C'est pas tahjoum, tu prends ce que tu veux, tu délaisses ce que tu veux. Là. Et quand tu commences une chose, tu continues. قال بضبط أصله ومختصر على شيخ متقن. Un as, on en a cité des exemples. Maintenant, nous, dans notre risala qu'on va étudier, usul al-tafsir, c'est un asl. C'est un asl min al-usul. Dans ce ilm, al-tafsir, les usul, Cheikh Ibn Uthaymeen les a cités. Ala Cheikh Mutqin, na'am. Tu peux en prendre l'ilm chez le premier venu. Plus le mudarris il a de la quwa, plus tu vas profiter. Plus le mudarris il a de l'expérience, plus tu vas profiter. Plus le mudarris il a de la compréhension, plus tu vas profiter. Donc le premier venu, lui-même il n'a pas compris, lui-même il a du mal à expliquer, comment un tas tu vas profiter de lui? Comment tu vas profiter? Tu vas prendre son daf. C'est la cause que les débutants, ils veulent emprunter ce chemin, une des principales causes avec la mauvaise niya, c'est qu'il sent qu'il n'avance plus, il délaisse. A'udhu billah. ثم قال وآخذا الطلب بالتدرج. Ou il a nebbah avant ça, la bit tahsil al-dhati. Ça c'est une catastrophe pour talib al-ilm. Tahsil al-dhati, il veut prendre tout seul. Là, il a dit à la sheikh mutqin. Ça te montre que l'ilm tu le prends inda ahli. L'ilm tu le prends inda ahli. Amma wahid il veut prendre tout seul. Ça ne suffit pas. Il y a un mudarris qui va te nebbah. Un mudarris qui va t'interroger. Un mudarris tu peux le questionner. Et il y a de la baraka fi halaqat al-ilm. Kaba akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça c'est muhim. Amma ceux qui étudient tout seul, tu vois leur va'af. Et tu vois beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas. Et kathir minhum, ils ouvrent des portes qu'il ne faut pas ouvrir. Et ça emmène à des fitan. Mais celui qui a étudié chez un alim, c'est autre chose. قال وآخذنا الطلب بالتدرج. Aïe, étape par étape. Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est une faïda. Et c'est une faïda, anna le fait de respecter al-manhadiyya ou al-kayfiyya et de prendre ce ilm an shaykh, an mudarris, mutqin, qui comprend ce qu'il donne, tu vas avoir deux fawa'id, azim, ou trois. Qala, dans le sharh, amma man akhada an alimin, an shaykh, fa innahu yastafid fa'idatayn azimatayn. Al fa'idatu l'oula, qasru l'mudda. Sahih. Maintenant, dans usul al-tafsir, Cheikh Ibn Uthaymeen, cette risala, elle vient d'où à ton avis qu'il a écrit? C'est katrat al-mutala'a, les assises qu'il a eues, les livres qu'il a corrigés, les livres qu'il a expliqués, il t'a fait une khulasa usul al-tafsir. Il t'emmène une nubda. مختصرة. فأنت تستفيد قصر المدة. T'as pas besoin d'aller chercher toi-même, de faire un jeûne. Il t'emmène, tout est prêt. T'as plus qu'à écouter, avoir une bonne niya et tu fais des efforts. Dans ce que le mudarris te dit. أما ما بالك celui qui طلب العلم tout seul. Ni shir, ni asl, ni matn. Et il veut comprendre son tafsir. Un jour il va lire un peu sur l'islam. Ibn Taymiyyah, un jour Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'il a dit? Un jour Cheikh Ibn Uthaymin, un jour un autre. Thomas, il va tomber sur un khilaf, il ne saura plus comment faire. Il va tout délaisser. Il n'a ni compris ni le khilaf, ni au son le tafsir, il ne l'aura pas compris. Deuxième faïda, qillat al-takalluf. Maintenant, il y a un khilaf énorme dans une mas'ala. Bidon takalluf, huwa yatarajjah avec un délit. Ma balouk, tu n'aurais pas ce cheikh. Comment tu veux? Un khilaf wasi'. Jama'a min ahl al-ilm, ils disent une chose. Et une autre jama'a min ahl al-ilm, il les khalaf autre chose. Huwa. Vu que tu es un débutant, il t'emmène le qawl al-sahih avec un délit. Et en avec le temps, tu pourras rajjah. Voilà, c'est muhim. Qal wal fa'idatu thalita anna thalika ahra bis-sawab. Naam. Ahra bis-sawab. Tu seras plus proche du sawab avec cette tariqa. Amma tout seul. Comment il va t'lab l'ilm tout seul? Lui-même, il a besoin de quelqu'un qui lui montre. فما بالك سو طالب علم كما يكتب شيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه هنا نحن با با لير سون كلام سي اون اشاره فقط حتى celui qui veut approfondir le sujet comment celui il est tout seul il a pas de livre il a pas de cheikh il a pas de mudarris même s'il a un livre لكن il a pas quelqu'un qui lui montre il y a un professeur comment il va comprendre il y a un khilaf dans une masala comment il va comprendre lui-même il a besoin de quelqu'un du monde comment il va rajah ibn al-qayyim il a un avis Et l'imam Shawkani, il a un autre avis. Comment il va radjah? Comment il va radjah? Ni usul, ni sheikh, ni... Alors, c'est ça qui veut le fidèle. Thumma, ce talib, imma, il va radjah un qawl qui n'est pas le bon, imma, il peut suivre, lakin bi taqlid. Et ça fait des fidèles. Pourquoi l'ulama d'aïman, il conseille al-ilm, al-ilm, hatta ça donne une génération qui a l'ilm. Qui a l'ilm, l'ilm, ça n'amène pas de fidèles. Toutes les fidèles que tu vois fils sahal, la cause, c'est pas l'ilm. Abadan. Le fidèle, la cause, c'est le jahl. Et la mauvaise niya. Il y en a beaucoup, ils ont du ilm. لكن النية لا با بون فايي veut défendre son nafs il défend plus ce ilm هذا c'est مهم والله المستعان تين الشر avec le شرح de Cheikh Ibn Uthaymeen فوائد طيبه ثم يسيت دي بوين قال شيخ بكر قال فامامك امور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه الان اذا تلخص الكيفيه كما طلب العلم سي تا كومبري كي فو La inaya pour l'usul, ne pas te précipiter, étudier chez un shir, petit à petit, il va te l'akhas. Premièrement, hifd mukhtasar fih. Ça c'est muhim. Que t'as un asl, lakin il est mahfoud. Et ce asl, tu verras que tous les livres que tu vas faire, ils vont t'expliquer ce asl. Et toi, t'as ce capital dans ce fun, c'est un capital pour toi, il est mahfoud. Avec des adillah, des ayats min al-Qur'an al-Karim, des ahadith, aqwal, ulama, des qawa'id, des dawabit, tout ça c'est mahfoud. Tu n'as plus qu'à avancer et tu auras toujours ce as qui va t'aider d'idden. À ma main, tu n'as aucun hiv. Maintenant, tu as droit sur le tawhid. Tu vas avancer dans les livres, tu n'as aucun hiv. Tu vas arriver à Fath al-Majid, tu auras compris les masa'il. Tu auras compris certaines choses à force de faire les livres. Mais tu n'as pas de hiv sur quoi te reposer. Comment tu veux? Un frère, il va venir. Il aura besoin d'une masa'il. Il va te dire, maintenant, mon père, il égorge sur les tombes, chez les salihides. Tu peux me citer un dalil, je lui montre que c'est haram. Si t'as pas de hif, tu vas faire comment? Cette masala, où t'as fait des années, fais-t'en l'abl'ilm, Rubbama, tu seras incapable de citer le dalil. Fa, allez où la faïda de ce ilm? Fa, le hif, c'est muhim. Thaniyan, dabto, ala sheikh mutqin, taqaddam. Ce maintenant, ce asl qui est mahfoud, il faut le comprendre chez un sheikh mutqin, pas tout seul. Il y en a ta compréhension, en ta, t'as pas d'expérience, t'as pas d'ilm. Amma, ce mudarris, il a de l'expérience, il a du ilm, il a fait les livres avant toi. Il a compris certaines choses, il sait qu'il faut éviter certaines choses, enfin, il va t'expliquer avec un kalam sahl. Troisièmement, adam al-inshighal bil mutawwalat. Ba'dhum il se précipite. Mubashara, il n'a pas fait l'ajrumiyya, il n'a pas fait des kutub simples, il veut directement al-qatr wal-alfiyya, wa. Et dans tous les fonouns, c'est hakada. Là, al-mutawwalat, tu as besoin d'outils pour les comprendre. Et le mutawwalat, ça viendra si tu as un talib ilm. Qala, wa tafariq al-musannafat qabla al-dabt li asli. Kadalik, tu fais deux livres, trois livres, quatre livres au départ. Là, dans le même fun, fais un asl. Un asl que l'ulama il conseille, il est ma'rouf fi hadha al-fun. Thumma, inshallah, le reste, t'as toute ta vie, bi'idnillah azza wa jal, pour t'lob l'ilm. Ne te précipite pas au départ. Qala, rabi'an, la tantaqil min mukhtasar ila akhar bila mudib. Hada, on l'a expliqué beaucoup. Tout ça, l'aqidah, nous, on l'a expliqué dans la kalima qu'on a fait. Al-manhajiyya fi talab al-ilm, on l'a fait en trois dorous, on avait stafed min hada. Lakin, الذكرى تنفع المؤمن رابعا قال لا تنتقل من مختصر الى اخر دلس با مختصر sans aucune raison bila mujib la n'ai pas avoir une raison مثلا t'es tombé malade t'as pas pu assister au cours les frères ils ont avancé avec le mudarris et un tata a manqué trop de cours t'as fait hada al hal t'attends et tu refais un autre mukhtasar. إما المام إما نود كي كي سرسم مهم تتجدي سو أصل أما بلا موجب با مالادي تي با أوكيبي إلا فقط الشيطان الشيطان يبغي تكارتي تسخيل فتو لو فوا بعضهم يغونت في الأصول الثلاث إلا با فيني لا يبغي فيغ نواقض الإسلام إلا با فيني يزدي موا جو فيغ أبو دعقيدة يغونت دون لمعة إي فيني با ثم يزدي جو فيغ دا لونغ عرب ثم أ لا فان لاني ولا شيء ولا شيء بل ربما يكت إيدي لستو نعوذ بالله. قال خامسا اقتناص الفوائد والضوابط العلمية كذلك. T'assistes pas pour assister. Là, اقتناص أي tu c'est une force, tu notes et tu demandes et tu recueilles على الفوائد والضوابط. قال سادسا جمع النفس للطلب والترقي فيه والاهتمام والتحرك للتحصيل إلى آخره. كذلك الاجتهاد. Tu te bouges. بعض الناس pour الدنيا ils font des عجائب. والله من الصباح إلى الليل إلى اجتهاد عجيب pour الدنيا. Pour des biens de dunya. Allah a'lam, est-ce qu'il va profiter amla? Amma anta hadi c'est tariq al-jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Atashtahid, tu t'efforces, tu fais des efforts. Hatta t'arrive. Et ta'lamoun anna, kama qala ba'du s-salaf, anna al-ilma la yunal bi rahati al-jasad. Al-ilm, tu l'auras pas avec rahati al-jasad. Al-ilm, tu l'auras pas, il vient à toi l'ilm. Là, un rihla, c'est mohem. Tu sais un endroit où il y a du khayr, un shir qui a du khayr, un frère qui a du khayr. C'est toi qui te déplaces et te stafid min. Et c'est une cause pour la baraka. Amma nahnu kadhalik, une génération, on a été éduqués à toujours attendre. Faut que les choses, elles viennent à toi. Là, le salaf, il ne disait pas comme ça. Ba'duhum Allah yarhal, kama ta'lamoun. Comme on a lu il y a quelques jours, fa'ida. Rubbama shahr, shahrayn, thalat, pour un hadith, pour un isnad. Il n'attend pas. Il sait que c'est lui qui doit aller. Et il va. Et il sait qu'il est ma'jour, il sait que s'il meurt via del hal, Inch'Allah il est à la khayr. Et il sait que s'il trouve ce hadith, Inch'Allah ça y est, des efforts, c'est muhim. Al-Hilya hadi, elle est tayyiba jiddan. Avec le charh de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayh, elle est tayyiba. Talabat al-ilm, il donne du temps à ce genre de rasail, il les lit. Hatta son chemin, hada qu'il prend, khasatan au départ, la yudhayya al-waqt. Hada, ce kalam on l'a lu, min hilyat. طالب العلم avec le charh de Cheikh Ibn Uthaymeen. الفصل الثاني. نبدأ اليوم après cette مقدمة. قال الإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه في رسالته أصول في التفسير قال القرآن الكريم. premier فصل premier chapitre القرآن الكريم. il va te donner des معلومات des فوائد il va citer des مسائل متعلقة بالقرآن. لماذا؟ لأن القرآن c'est أصل العلوم. Et ce tafsir, cette matière qui s'appelle le tafsir, c'est pour expliquer le Coran. Et on va étudier ensemble au sol fi tafsir, des fondements dans le tafsir. Donc, awalan, tu dois comprendre et tu dois avoir des ma'loumat fi le Coran al Karim. قال القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أي التلاوة أي la récitation. قرأ بمعنى تلا. C'est pour ça qu'on dit la lecture du Coran en français. Aïe, qara'a. C'est bima'na récité. Qala ou bima'na jama'a. Qala taqul qara'a qara'an wa qur'anan. Qara'a qara'an wa qur'anan. Qala kama taqul ghafara ghafran wa ghufranan. Ça c'est Aouzan qui cite et ceux qui ont étudié al-sarf. يعرفون هذا قال فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول أي المقرو أو المتلو تلا أي بمعنى اسم المفعول فلهذا قال أي بمعنى متلو قال وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل قال أي بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحكام أي إلى القرآن إلى جامع أي للأحكام والأخبار أي غصب سأخبار سأحكام كل مسلم إلى بزون قال والقرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم donc c'est كلام الله. قال المنزل ce كلام الله سبحانه وتعالى il l'a révélé au prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام. par l'intermédiaire de Jibril. On peut rajouter al-muta'abbad bitilawati. Limada on rajoute hada al-muta'abbad bitilawatihi. Ça fait sortir quelque chose. Ça fait sortir al-hadith al-qudsi. Naam, لان al-hadith al-qudsi c'est min kalam Allah كذلك. Et il est munazzal ala rasulih alayhi salatu wassalam كذلك. Lakin une des différences c'est que al-Qur'an tata'abbad bitilawati. Li kulli harf 10 hasanat. Et il y a des autres différences entre al-hadith al-qudsi ou al-Qur'an. Il y a des autres différences. Les deux, ça fait partie de Kalamullah. Lakin, il y a des différences. Parmi les différences, anna hadha al-Qur'an yushra' qira'atuhu fi salat. Bal la salat liman lam yaqra bi fatihat al-kitab. Tu es obligé de réciter du Qur'an. Amma al-hadith al-Qudsi, tu ne peux pas le réciter fi rak'a. Matalan, wahid yghisit al-fatiha, thumma yghisit hadith Qudsi. On lui dit, hadha la yushra'. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait hadha. Walaw, c'est Kalamullah. Et on verra, inshallah, adhan, il y a un bab, fima athkur, ou vous me rappellerez. La différence entre Al-Qur'an et Al-Hadith Al-Qudsi. On l'avait fait avec l'Ikhwan, Athkur. Si un chapitre fait hada tamam, wa illa, Inch'Allah, faites-moi rappeler, on fera un tambih fi hada, si une force. Donc, Kalamullah, Ta'ala, Al-Munazzal ala Rasoulihi, wa Khatim Anbiya'ihi, Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, on rajoute Al-Muta'abbad, bitilawati. Hatta ça fait sortir de ce ta'rif, Al-Hadith Al-Qudsi. قال المبدو بصورة الفاتحة المختوم بصورة الناس. ففي الحقيقة ce taqyid qu'il a fait à la fin, ça nous montre c'est quoi le Coran. Ça n'englobe pas al-hadith al-Qudsi. Donc ce Coran, la première sourate, il commence par al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et al-makhtoum بصورة الناس. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. Il cite un dalil pour te montrer anna hadha al-Qur'an il est munazzal min Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on avait vu fi al-aqida minhu bada wa ilayhi ya'ud. Minhu bada ay c'est Allah qui a nazzal ce Qur'an. Qala wa qala azza wa jal inna anzalnahu Qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun. Cette aya fiha fawa'id minha anna ce Qur'an il est en langue arabe. Ça te montre l'importance de faire des efforts dans la langue arabe. Si tu veux comprendre ce kalam, kalamullah azza wa jal, c'est la révélation, c'est la source. T'es obligé de faire des efforts en langue arabe. Et ne crois pas, et ne pense pas, et ne t'imagine pas que autre que la langue arabe, tu comprendras hadha al-Qur'an abadan. Au départ, un nouveau converti, matalan, il connaît pas l'arabe. Ou un ami, il veut commencer à faire des efforts, fait talab al-ilm, il comprend pas l'arabe. Au départ, il va lire les traductions qu'ils ont faites. Lakin, celui qui veut avancer fait l'ilm, il est obligé d'avoir la langue arabe. C'est miftah al-ulum. Comment tu veux comprendre un ilm qui est fondé sur une langue et toi tu maîtrises pas cette langue? Ta'lamoun anna fi dunya al-an, ba'd an-nas, ils sont obligés d'apprendre la langue chinoise. Ta'lamoun. Lianna, vu que la Chine c'est un pays qui a explosé économiquement et les gens ils ont besoin d'eux dans beaucoup de choses, le commerce, etc. Kathir min al-tullab, dans les jami'at de dunya, ils apprennent la langue chinoise. Il y en a, ils sont obligés, ils ont des liens avec la Chine, le commerce, etc. Comment il va rentrer dans ce domaine et négocier avec eux et profiter de certaines choses? Il ne comprend pas leur langue, il est obligé de faire des efforts. La langue anglaise, c'est awdah. Beaucoup de gens qui rentrent dans dunya, ils font des études informatiques ou autres, il est obligé, ils lui mettent un short, il doit faire des efforts dans la langue anglaise. L'imad, il y en a, les programmes, ils sont en anglais. Les entreprises avec lesquelles il va communiquer, elles sont basées aux États-Unis, en Angleterre, ils parlent en anglais, etc. Il est obligé d'avoir hadha. Même un qui veut rentrer dans une chose, il ne comprend pas la langue du qawm. Comment il va faire? Il va parler avec qui? Les traductions, ça ne suffit pas toujours. Les hadha, ils font des efforts. Anahnu, aoula, et on est ahak de faire des efforts dans cette langue. Les anna al-Qur'an, il est bil-lugha al-arabiyya. Notre prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, min al-arab, min usul al-arab, min Quraysh, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. L'ulama, al-a'imma, il parle la langue arabe. Que ce soit des arabes ou non, il parle en langue arabe. T'as l'exemple de l'imam al-Bukhari. Son asl, c'est pas un arabe. Lakin, son livre, al-Sahih, il l'a écrit en langue arabe. Et c'est Abu Afiha Kouwa dans la langue arabe et autres. Rahmatullah alayhi. Donc, t'es obligé de faire des efforts fi hada. Qala Azza wa Jal, inna anzalnahu Qur'anan arabiyan, la'allakum ta'qilun. Tu veux méditer? Afala yatadabbaruna al-Qur'an, wa huna la'allakum ta'qilun. Tu veux méditer avec ton cœur, tu es obligé de comprendre la langue. Sahih. Comment si tu comprends pas la langue arabe, avec la haqiqa, tu vas lire le Coran, tu auras la récompense, comme on va voir al-fada'il. Celui qui comprend pas la langue arabe. Bah, l'ikhwan, maintenant, il comprend pas la langue arabe. Et il arrive à lire le Coran. Il a appris les lettres de l'alphabet, il a appris quelques règles de lecture. Il s'est aidé de certains audios et à force, il arrive à lire. Là, qui ne comprend pas. Fait la haqiqa, il a du ajr. لأننا عند دليل في هذا celui qui lit le Coran chaque harf il a dit hasana لكن التدبر المأمور به et la méditation et l'application il ne pourra pas, لأننا il ne comprend pas. Ah, ça ne suffit pas la lecture. Là le but c'est lire, tu as des récompenses bien sûr et en même temps tu comprends et la compréhension ça implique l'amal. C'est ça le din, c'est fondé sur ça, ilm ou amal. Et ce ilm tu peux l'avoir qu'avec la langue arabe. فالعناية العناية. Faire des efforts dans la langue arabe, c'est mohim, c'est miftah l'uloum. C'est miftah l'uloum. Tu ne pourras pas te louper l'ilm sans langue arabe. Tu ne trouveras pas toujours quelqu'un qui te fait en français. Tu as des efforts dans la langue arabe et Allah subhanahu wa ta'ala il est karim. Et en haqiqa, c'est une langue, elle est sahla. Elle est sahla. Quelques règles fi nahu, des efforts fi mufradat, al kalimat, des efforts fi ta'bir, des efforts fi sarf, de la lecture, beaucoup de lecture personnelle. Quand il rentre chez lui, chars, il lit. Il écoute كذلك des audios en arabe min al-ulama al-a'imma. Inch'Allah, quelque temps, il aura des bases tayyibes. Wa min ahsan al-wasa'il, pour comprendre cette langue, c'est de vivre avec un qawm qui parle cette langue. Hada ahsan ma yakoun. Khassatan, quelqu'un qui n'est pas arabophone al-asl. Il a des problèmes de prononciation, il a des problèmes de compréhension. Avec les durus, il vit avec un qawm qui parle l'arabe. Et hada, ça facilite didden. قال وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل. إساس رحمة للأمة أن الله سبحانه وتعالى إلى حفظ هذا القرآن إلى حفظ de plusieurs choses, التغيير والتحريف أي النص. أما المعاني كثير من الناس الضلال يمنت et déforme l'explication du Coran. أما هنا lui, quand il parle de, il n'est pas déformé, aïe un nos. Wallahi alhamd, personne ne rajoute ou n'enlève. Illa fadahahu Allah subhanahu wa ta'ala. Sha'an al-rafidha. Ils ont essayé d'enlever, de rajouter, inventer un mushaf. Allah subhanahu wa ta'ala fadahahum. Et les gens, ils savent que c'est des kadhabs. Qal wa ziyada wa naqs wa tabdil. Et ça, c'est une rahma, comme on a dit. Lianna, si la source, elle est déformée, c'est une cause d'égarement. Tu pourras t'égarer. Kama hasala li bani Israël. Ils n'ont pas shkur hadi ni'ma et ils n'ont pas respecté les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il les a éprouvés. Leur kitab il n'a pas été mahfoud et ils se sont égarés. Hada il a rajouté, hada il a enlevé. Hatta leur livre c'est devenu des kutub qui est falsifié. Falsifié, tu ne peux plus prendre comme référence. Abadan. Amma hada al-Qur'an il est mahfoud. قال حيث تكفل عز وجل بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Ça c'est وعد من الله والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. إنا نحن نزلنا الذكر. الله il informe, c'est lui qui a fait descendre ce ذكر et تكفل كما قال شيخ ابن عثيمين بحفظه وإنا له لحافظون. قال ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره. Ça te montre que بعض الناس يحاولون الخبثاء. Ils essayent. لكن الحمد لله ce مصحف الآن il est imprimé. بل il est محفوظ في صدور العلماء وطلبة العلم والصالحين. Alhamdulillah, des gouvernements, ils l'ont imprimé, il est mahfoud. Il y a une inaya azima. Khasatan min al-mamlaka al-arabiya al-saoudiya, harrasaha Allah. Ils ont une inaya azima fi hada. Donc, celui qui rajoute, il yafdadih amruhu bi sur'a. Wa tambih huna, anna qabla ayyam, ils ont propagé une application sur les téléphones. Hein? Ils ont propagé une application et fiha naqs dans ba'al umur. Est-ce que c'est fait exprès? Allah alam. Est-ce que c'est un adou min a'da illah qui est fait exprès pour chawash ala al-muslimi? Nasite le nom de cette application. Lakin al-insan yantabih. Prenez les applications wadiha. Il y en a une, elle est tayyiba, qui est propagée par le gouvernement saoudien. Al-jam'a hada qu'on a reçu, elle est tayyiba. Avec les tafasir, avec, tu sens qu'il y a de la inaya. قبل ذلك نحن نكونسين فخير طلبة العلم العناية بالمصحف والعناية بالحفظ. أما lire le Coran sur le téléphone, هذا ça peut être utile. Tu te retrouves dans un endroit, t'as pas ton mushaf, ou tu veux réviser, t'as oublié une sourate, ou t'as besoin d'une ayah, tamam. Choisissez les applications qui sont connues, que les gens ils ont utilisé. Amma une nouvelle application qui vient de sortir, robama il y a une erreur, et tahfad l'erreur, ou tu propages l'erreur. Fantabihu li hada. قال وقد وصف الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله وأنه حاكم على ما قبله من الكتب ناسخ لها حاكم سو قرآن. Il a abrogé tous les livres d'avant, tout le khair que tu avais dans les livres d'avant, التوراة والإنجيل والزبور, tout ça tu retrouves في القرآن الكريم. Donc tu n'as plus besoin des autres livres. On n'a plus besoin. Abadan, hada al-Qur'an yakfi. Wa ya Allah, on arrive à ahfad, on arrive à raji', on arrive à comprendre le ma'ani. Tu trouves ba'd an-nas katrat al-farah, il veut lire les autres kutub. C'est un bab dalal. Lana les autres kutub muharrafa. Falsifié, tu ne sauras pas est-ce que ce kalam il est haqq am la, rubama in shubha. Rubama taghtar. Tu penses que ce verset il est haqq, et fi al-haqiqa c'est batil. Quand on dit ce verset, il y a le kalam qui sont dans ces livres qu'ils ont été falsifiés. Fala, la yajouz hada. La yajouz, khasatan celui qui n'a pas d'ilm et celui qui ne meyesse pas. Qala Allah Ta'ala, il va citer des adillas l'an pour démontrer azamat hada al-kitab. Qala Allah Ta'ala, wa laqad ataynaka sab'an min al-mathani wal Qur'an al-azim. Et on citera le prochain dars, incha'Allah Ta'ala, on citera les noms du Qur'an. Amma l'an, naqra l'ayat. Et le prochain dars, on citera des fawa'id que Cheikh Al-Uthaymeen n'a pas cité. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il qualifie ce Qur'an بِالْعَظَمَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. وَقَالَ تَعَالَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ. Et هنا, il l'a qualifié بِالْمَجِدِ. قال وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. Et c'est ça le but. Et c'est ça qu'on a appuyé l'importance de la langue arabe. لأن التدبر أي méditer, tu pourras le faire que si tu comprends. Comment tu vas méditer une chose que tu n'arrives pas à comprendre أصلاً. لأن la méditation c'est quelque chose qui suit la compréhension. Tu as compris, tu médites. Comment tu tires de leçons. Comment tu vas تتدبر et tu comprends pas أصل الكلام. فالله سبحانه وتعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك فيه الخير كثير. قال ليدبروا. Ça, ça te montre أن c'est pas مجرد comme ils font البعض والعياذ بالله, ils ont pris ce Coran, c'est comme une décoration. لا يقرأ ولا يحفظ ولا يدرس ولا يتدبر في شيء من معاني القرآن. شغلهم الشاغل dans sa voiture, il a un autocollant avec Ayat al-Kursi. Chez lui, il a les cadres, où il y a des versets, Ayat al-Kursi, Al-Fatiha. À la mosquée, pareil. Mais dans les murs, là. Dans les murs, c'est gravé des versets, etc. C'est pas ça le but. قال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته. تدبر في آياته. Tu prends le mushaf, tu lis, et tu tadabbar. Et c'est pour ça qu'ensemble, Inch'Allah, on va étudier Surat al-Fatiha. C'est la première sourate du Coran, et c'est celle qu'on récite tous les jours, chaque musulman, pour faire salat, et on doit comprendre. Ça veut dire quoi, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Ça veut dire quoi, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'bud? Ah là, c'est ça le but. Amma Mujarrad, une image, une étiquette, ça n'a rien à faire. Le Coran, maintenant, il interdit l'alcool, il interdit avant sa shirk. Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran al-Karim, il nous ordonne de faire salat, de sortir le zakat. Tu trouves kazir, mimman yantasib ila l'islam, il est ba'id de ses ahkam. Pourquoi? Léanna, il n'a pas eu l'inaya bil Coran. Et il a oublié le but, at-tadabbur, et appliqué. Allez, hada, lamma su'ilat Aisha, radiyallahu anha, an akhlaq al-Nabi sallam, ils lui ont demandé, c'est quoi le comportement du prophète sallam? Enfin, soit le tayyib. Léanna, al-Nabi sallam, c'est l'uswa, c'est le qudwa. Enfin, ils lui ont demandé c'est quoi son comportement. Hatta on essaye de lui ressembler. Elle a répondu avec une phrase. Radiyallahu anha. Ha qalat khuluquhu al-Qur'an. Son comportement c'est le Qur'an. Les ahkam que tu trouves dans le Qur'an, tu les trouves dans la vie du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, nous en tant que musulmans, ça doit être hakada. Al-Qur'an il nous a interdit de se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment en tant que musulmans, l'an, t'entends ba'd ad-dullah l'an kathir? Il lui demande sur les caricatures et autres. Ta'am fi an-nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, non, c'est la liberté d'expression. Bardoum, ils essayent d'avoir moins de tamayur. Il ne veut pas tomber dans le coffre wadih. Il dit, moi, je n'accepte pas trop. Mais c'est la liberté, c'est kada. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Ça c'est حكم الله, حكم القرآن. Comment tu te prétends musulman, tu dois suivre ce Coran, et comment tu le خالف بوضوح dans une مسألة مهمة أصل في العقيدة. الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بآية من آيات الله أو بالله, c'est du كفر بالإجماع. Il n'y a pas de خلاف في هذا. شيخ الإسلام il l'a cité في نواقض الإسلام. قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الألباب سي العقول, اللب سي العقل, عقل السليم. قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Pourquoi Allah il a révélé ce kitab? Le premier verset il te montre ليتدبروا, pour méditer. Deuxième verset, il te montre, هذا كتاب أنزلناه مبارك, دائما ce kitab fait baraka, celui qui veut le khayr. Pourquoi? فاتبعوه. الاتباع. Est-ce que tu as déjà trouvé un délit? أن le Coran, tu l'accroches au mur, ou sur ta monture, ou أبدا. Le Coran, c'est تتعبد بتلاوته, et la récitation, وتعمل به, et tu médites sur les versets, tu essayes de comprendre. بعضهم في الدنيا ربما يغسوه une رسالة dans quelque chose qu'il aime. Tu le trouves et la risala, harf, harf. Il l'étudie, il essaie de comprendre. Tout il essaie d'appliquer cette chose. Il aime cette chose. Nous, limada, ce kitab, kitab Allah, vihi il baraka. Et Allah amarana. Et Allah, c'est le khaliq. Pourquoi on ne fait pas d'effort? Hakika, il y a un taqsir azim, via de l'abab. Il y a un taqsir azim, sallallahu tabat. Qala, innahu la Qur'anun kareem. وقال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. Tu veux la guider, tu veux la meilleure solution dans chaque chose, allez في القرآن يهدي للتي هي أقوى. بعض الناس الآن يتعبون ليل نهار, ils veulent des solutions pour la situation de la Ummah. Tu trouves un farig, il dit il faut l'islam de France. Tu trouves un farig, il dit il faut revenir à la démocratie. Tu trouves un troisième farig, il dit il faut respecter les autres. Un quatrième farig, tous ils ont des solutions iblisiyah, c'est iblis qui leur cite ces solutions. Nous, on a la solution avec Kitab Allah. Tu veux que la Ummah, que ça soit en France, que ça soit n'importe où, que la Ummah le retrouve, izzatuha, et on vit à la khayr, on revient à ce Coran. Inna hadha al-Quran yahdi lillati hiya aqwam. T'as déjà entendu ahad haoula al-fara, al-mubtadi'a al-dullal, ba'dhum c'est des zanadi qawadih. T'as déjà entendu quand ça parle, un de ces polémiques, il dit en public, il faut qu'on revienne au Coran al-Karim. Il ne peut pas. Avec hadha al-hal, parle pas et apprends ton dîn. Et écarte-toi, min al-shar. Amma, tu te mélanges au shar et tu veux rectifier les choses de l'intérieur, tu te fais que du mal. Qala wa qala ta'ala. Aou, dahab al-waqt. Naam, dahab al-waqt. La muqaddima ala abkhi shay min al-waqt. Inch'Allah, demain, on continue. Subhanak, Allahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu alayk.